Tous les médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Dieu, 89.5. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 89.5 de Radio Dieu. Aujourd'hui consacré à la découverte, si c'est la découverte, ou la redécouverte, si c'est la redécouverte, de la musicienne Tashka. Ça fait quelques temps qu'on essaye de réussir à honorer cette invitation, des plannings chargés. À la base, j'avais envie de le faire dans le cadre de Furious Furania et de ses découvertes locales du festival qui s'est fini la semaine dernière. Eh bien, c'est un petit peu en retard que nous allons honorer la sortie de cet album « Faire des figures ». On écoute tout de suite Tashka pour une émission fleuve comme à la maison. L'ultime message qui passera mes lèvres se scellera dans un silence qui appelle à la trêve. À quand ce soupir qui caressera mes côtes, qui me fera sentir chez moi dans la maison des autres? Fil conducteur, c'est là, c'est d'être là, d'être piétiné par le bruit de mes pas. Alors la honte se noue à ma cheville et me pend par les pieds comme à la boucherie. Tu vois, mon âme de chaises, elle ne vole plus, s'écorche contre les falaises, amputée par des enfants passages qui se sont amusés à la garder dans une cage. Si je la concède, un seul de mes auditeurs et auditrices, j'ai le plaisir de recevoir Tashka dans nos studios. Salut à toi. Salut.

bah, de graver, enfin les hommes cis blancs en fait, en vrai, nommons-les, mais dans le fait de graviter dans l'univers sans trop jamais se poser de questions, enfin en tout cas douter beaucoup moins, et douter beaucoup moins de leur légitimité dans le monde. Et du coup, cette chanson Cadeau, c'était vraiment un peu un moment où je me disais, tiens, mais moi je suis là à douter toute seule dans mon coin, tout le temps de tout ce que je fais, enfin j'en ai marre, donc c'était vraiment... Pour moi, elle parle vraiment de ça, quoi. C'est ce regard, c'est ces autres qui donnent l'impression qu'ils doutent pas du tout, alors qu'en fait, sûrement que si, et en fait, sûrement, ils doutent autant que nous, mais juste, ils ne le laissent pas du tout paraître. Voilà. Merci à toi pour nous avoir enlevé les doutes sur l'interprétation du texte. On écoute ça tout de suite. Merci, Tashka. Si les armures sont lourdes, la peau du lait. Je m'interroge parfois sur mon épiderme à moi, tantôt ferme, tantôt frêle, tantôt solide, tantôt liquide. Fuir l'inertie me paralyse, pourtant souvent je cours après ma vie. Peu m'importe les héros, leurs histoires édulcorées. Quand ils pleurent, ils tournent le dos pour ne pas être démasqués. Tantôt courageux, tantôt chétif, tantôt ambitieux, tantôt timide, ils sont pareils. Ils jouent la comédie, ils sont vaillants, à force qu'on leur dise. Se tenir droit, qu'il faut y croire, qu'il faut tenir, qu'il faut grandir. Boire à la source, jusqu'à plus soif, pas s'excuser, de briller fort et d'éblouir toutes les rétines, les yeux sur soi. Le grand cadeau des autres à soi, le grand fardeau, le grand cadeau. Alors Tashka, on va parler un petit peu plus en profondeur de ce nouvel album qui a été enregistré, c'est un classique stéphanois, au studio E avec Bruno Prena. Tu peux nous parler un peu du moment d'enregistrement ? Ouais, et bah, c'était il y a un an. Eh oui, c'est long le processus de sortie. Eh oui. Mais c'est vieux en fait pour toi. Oh, c'est pas si vieux que ça en vrai. Enfin, je crois que c'est un des albums que entre le moment de la composition et le moment de l'enregistrement et le moment de la sortie, tout est allé pour moi très vite par rapport aux autres. Donc à le studio E, et ben donc on y était donc il y a un an. On a eu 10 jours de studio dans lesquels on a enregistré d'abord à trois, et après on a fait venir des invités aussi qui sont venus jouer sur l'album. Je pense à Corentin Kemener qui est venu à la batterie, à Louise Benoît au trombone et Stéphanie Aurière au saxophone. Donc on a expérimenté plein de choses. Il y a eu plusieurs étapes en fait de composition. D'abord des moments où, enfin moi j'ai beaucoup composé pour les autres aussi. C'est je pense la première fois que j'ai eu le temps d'aller au bout de mes idées d'arrangement aussi et de vraiment pouvoir donner des partitions vraiment écrites aux autres, parce que moi je suis pas issue d'une formation on va dire, de conservatoire. De conservatoire. Mmh. Donc, je peux faire plein de choses, mais je peux les faire très lentement. Et du coup, là, c'était vraiment chouette parce que ça, c'était hyper gratifiant aussi, je pense, de pouvoir aller au bout de mes idées artistiques aussi. Bah, c'est vrai que quand je disais tout à l'heure, je pensais à un do qu'on est tiré, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense qu'il joue à part un vrai travail des arrangements qui n'était pas présent avant, j'ai l'impression. Et qui change beaucoup la musique, finalement. C'est quelque chose que moi, je trouve toujours dur à appréhender entre la composition piano-voix et après, qu'est-ce qu'on fait d'un morceau. Et que j'ai l'impression que là, ils ont vécu une grande évolution dans l'arrangement et ils sont allés presque assez loin de ce qui devait être quand tu les as trouvés dans ta chambre. Oui, oui, complètement. Mmh. Après, à l'origine, Tashka, c'était vraiment un solo à l'époque de Balbutiard, et on nous pose souvent la question aujourd'hui, est-ce que c'est un solo, est-ce que c'est un trio? Je pense que, enfin, vraiment, des fois, il y a des réponses qui ne sont pas tout à fait simples, mais je pense que c'est un peu les deux, dans le sens où moi, aujourd'hui, sur scène, artistiquement, je ne me vois pas forcément plus faire de solo, pas parce que je ne sais pas le faire, mais pas parce que esthétiquement, c'est trop éloigné de ce que j'ai envie de proposer aujourd'hui. Ce n'est pas représentatif de ce que j'ai, par exemple, mis comme énergie en arrangement d'album. Et en même temps, c'est aussi moi qui écris la base, la musique de base et les textes. Il y a des fois avec Romain et Agnès, donc Romain qui est le contrebassiste du groupe et Agnès la clarinettiste. Il y a des fois on arrange à trois certains morceaux, par exemple comme Cadeau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau qu'on a arrangé à trois. Après moi j'ai rajouté plein de bidouilles de synthé par-dessus et tout ça, mais il y a vraiment des titres qu'on a arrangé à trois un peu dans la veine de Volcan, qu'on avait aussi beaucoup arrangé à trois, l'album hein, je veux dire. Et il y a d'autres titres qui sont vraiment partis ailleurs, comme La Morte, Dehors aussi, là où je... Mais après, c'est un parti pris et c'est quelque chose qu'on a toujours eu l'habitude de faire dans le groupe. C'est que malgré la tournure que prenaient les titres sur l'album, y a toujours un truc de « Ok, on fait quoi maintenant en live ?» Et il y a aussi ce choix à assumer que le live ne sera pas forcément comme l'album. Et des fois, ça nous demande vraiment beaucoup de cogites. C'est pas forcément le mode de fonctionnement le plus simple. Et en même temps, je trouve ça trop cool de pouvoir redécouvrir des morceaux aussi. Ça permet vraiment aussi de pas se lasser des morceaux. Tu disais, ça fait longtemps et tout ça, mais nous, on commence à tourner les morceaux là sur scène et en fait, ils ont pas forcément la même peau que sur l'album. Donc, c'est vrai que moi, je t'ai vu uniquement en solo, en fait, et j'avais eu un peu du mal à retrouver un certain côté de ta musique, justement, où je voyais plus l'ossature de la composition et moins l'arrangement. Et sur cet album-là, il y a quand même aussi un petit cap qui est passé dans l'intégration de sons électroniques mélangés à l'acoustique qui enrichit encore un peu la palette. J'ai pas de question, c'était une réaction par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'avant, on a l'impression que, moi je t'aurais dit, c'est plutôt une folkeuse qui fait un petit peu d'arrangement acoustique. Et là, il y a quelque chose comme une espèce d'entrée dans une manière très moderne d'appréhender les arrangements, très 2020 presque, entre guillemets. Disons que j'ai deux instruments, j'ai deux claviers, un que je traîne depuis assez longtemps, un Nord, mais que j'avais utilisé uniquement de manière très acoustique, son piano, pendant très longtemps, sans trop aller explorer le reste. Et ça a beaucoup changé sur cet album-là. Je suis vraiment allée plus faire de la recherche dans les sons que pouvait proposer ce clavier. Et j'en ai acheté un autre, un Mini Log Korg, auquel je connaissais absolument rien. C'était quelques mois avant d'aller en studio l'année dernière. Et les synthés modulaires, c'est quand même un délire bien particulier. C'est plus vraiment un truc de pianiste, là. C'est des effets, des filtres. Y a vraiment un truc de compréhension dans le de chemin du son que moi, je connaissais pas grand-chose. Donc j'y suis vraiment allée comme je tourne des boutons, je vois ce qui se passe. Et il y a un rapport très organique aussi à la musique parce qu'on peut reproduire, on peut faire un son, mais on peut ne pas être trop capable de le reproduire, en fait. Donc un truc vraiment d'immédiateté que j'ai vachement aimé. J'ai enregistré beaucoup de choses à la maison aussi, dans les lignes de synthé et tout ça, toutes les nappes, tous les effets. Et ça, c'est vrai que ça a été nouveau. Et aussi d'avoir tout ce temps de pouvoir m'enregistrer chez moi, clairement aussi, de me permettre toute cette expérimentation-là, c'était génial. Parce que le studio, c'est vrai que 10 jours, ça peut paraître beaucoup, mais ça passe très, très vite. Et j'ai eu vraiment eu, ça a permis en tout cas de prolonger le travail, de l'approfondir un peu en dehors des périodes de studio. 10 jours pour 13 titres, ça fait quand même plus d'un titre par jour, avec en plus de la recherche, de l'arrangement, de la recherche de prise de son. Donc c'est vrai que ça me semble pas si étendu que ça quand même. Non, en plus il y avait des invités, donc voilà, où forcément. Il y a un peu de recherche aussi in situ, quoi, on va dire. Il y a toujours un peu dans cette même question que j'essaye de gratouiller. En réécoutant Volcan ce matin avant l'émission, je me rendais compte effectivement qu'il y avait quelque chose de plus folk et qu'en fait, il y avait énormément de titres en anglais et que ça aiguillait aussi une oreille française d'une autre manière sur ta musique, puisque... Dès qu'on a des influences folk, j'allais dire internationales, c'est vrai que moi je pense à Sophie Hunger, Agnès Obel, des personnes comme ça, on entend une musique d'une manière, et quand le français apparaît, tout de suite on va plus dire Camille, Mansfieldia, des références tout de suite, où rien que la langue fait que on n'écoute pas la musique de la même manière, hein, et que le folk français passe rapidement pour la chanson française avec sa tradition francophone. Je me demandais, là, dans les concerts que vous aviez commencé à faire, quel retour on te faisait quand on te dit « Ah, ça me fait beaucoup penser à... » Parce qu'on dit toujours ça à la fin d'un concert. Qu'est-ce qu'on te cite, finalement? Comment les gens, ils écoutent ça? Écoute... on nous a pas tant dit « Ça me fait penser à... » On nous a dit surtout... Enfin, je cite hier parce qu'on était au Transborder, on nous a dit, et c'est un retour qu'on nous a fait plusieurs fois, « Ah mais, contrebasse, clarinette, synthé, mais il n'y a personne qui fait ça !» Et bon, c'est un très joli compliment et je le cite parce que en réalité, il y a plusieurs personnes. C'est le meilleur même, non ? Oui. Mais y a, alors bon, attention, je n'ai pas la prétention de dire que ce qu'on fait, c'est d'une originalité, quoi, que ça n'a jamais été vu. Mais je pense que par contre, effectivement, peut-être juste à l'heure actuelle, aujourd'hui 2023, effectivement, il n'y a peut-être pas beaucoup de configurations comme la nôtre. Après, moi, je connais des groupes qui en tout cas font ce mélange d'électronique et d'acoustique. Après, c'est pas forcément des groupes très connus, mais après, oui, nous, il y a effectivement, comme tu dis, le côté chanson, le côté texte en français rend ça un peu plus accessible et accroche un peu l'oreille aussi, dans le sens je pense qu'il y a des gens qui se disent « Ah oui, mais du coup, je ne sais pas trop exactement dans quelle case le mettre », et ce n'est pas désagréable. Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre ça quand les gens font des retours. Et quand on te parle beaucoup plus de chansons françaises, qui n'a pas forcément l'air d'être l'endroit d'où tu viens musicalement, ça te fait bizarre, ça te gêne un peu qu'on te rattache à ça parce que c'est en français ou en fait pas spécialement? Moi, le fait de dire que c'est de la chanson française, si la chose qui est dite, c'est que c'est de la chanson avec des textes en français, ça me dérange pas. Après, l'étiquette musicale qui est rattachée à l'univers chanson française, non, je me reconnais pas trop dedans, parce que j'ai pas du tout grandi ou évolué avec cette musique-là. Je souhaiterais, je pense, que la notion de chanson française puisse évoluer un peu, parce que je remarque qu'on est plusieurs artistes, alors à mon échelle, hein, je veux dire, artistes émergents, des fois autoproduits, des fois pas, enfin voilà, mais ou sur des petits labels indépendants, mais qui commencent à mélanger de plus en plus ces textes en français, des fois aussi des textes, avec je dis de la poésie, mais parce que pour moi, poésie, ça veut juste dire ne pas dire concrètement, ne pas nommer concrètement les choses et laisser la possibilité de mettre un peu de poésie dans le texte, le travailler un peu, jouer avec les mots. Tout en proposant un univers musical assez tranché, assez typé, laisser de la place à la musique aussi, et pas que le texte. Bah, tout ça, en fait, pour moi, ça pourrait faire partie d'une évolution possible de la chanson française. Et je pense que ça serait vraiment dommage de s'en passer parce qu'on est de plus en plus nombreuses à vouloir expérimenter avec ça. Et en vrai, je pense que ça ferait du bien. Ça ferait du bien. Et oui, il va falloir laisser changer les oreilles aussi. J'avais en mémoire une interview que j'avais lue de Dominica dans ses premiers albums où il avait envie de parler d'influence indé très anglo-saxonne et où finalement les gens qu'il interviewait lui parlaient de Gilbert Bécaud et il était décontenancé. En plus, il connaissait rien du tout à cette culture-là et il se retrouvait à dire que c'est aussi les personnes qui posent les questions qui n'ont pas encore l'oreille pour justement écouter de cette manière-là, qui sont ancrées encore dans une tradition de chansonnier, etc., qui effectivement a beaucoup évolué ces dernières années. Et avec, moi j'ai l'impression, aussi une décomplexion un petit peu de oser de faire de la musique un peu plus... un peu moins guitare-voix ou piano-voix, en n'ayant pas peur justement. Parce qu'avant, il y avait quelque chose de... on utilisait l'anglais pour être raccroché à quelque chose qu'on avait envie de faire. Et ça, j'ai l'impression que toi aussi, tu te dis, c'est en train de s'enlever un petit peu cette vieille peau-là. Bah, moi, clairement, je viens plus... j'ai plus une culture de musique anglophone, clairement. Après... ce que j'aime dans la musique anglophone, j'aime le rythme. Il y a des artistes qui se permettent vraiment une liberté avec les tonalités aussi, ou alors aussi d'avoir ce rapport aux mots qui groove différemment. Enfin, moi, c'est plein de choses qui m'intéressent dans la musique anglophone. Et quand je me suis penchée sur l'écriture de Faire des figures, vraiment, je me suis pas forcément dit je vais écrire un album en français. Je me suis dit allez chiche, quand t'as envie d'écrire sur un sujet en anglais, essaie de voir si tu peux le faire en français. Je me suis vraiment mis cette contrainte en mode petit labo avec moi-même, quoi. Mais et en fait, et je me t'ai dit aussi attention, sacrifie pas la musique. Et il y a des moments en fait, si je ramenais le morceau à quelque chose de très simple, guitare-voix ou basse-voix, ça faisait tout de suite un côté chanson. Et du coup, c'était le côté comment est-ce que je crée les contrepoints. Dans Poilu, par exemple, c'est un contrebasse-voix. Enfin, moi, j'avais écrit la ligne de basse, donc basse-voix. Et c'est vrai que, comment est-ce qu'on vient un peu tirer le morceau un peu dans des directions différentes pour... ça rentre dans une certaine tradition de la chanson française, mais en même temps on sent bien que ça navigue un peu ailleurs, qu'il y a des trucs qui tirent un peu dans des sens où t'as pas l'habitude. Et moi j'aime vraiment bien ça, je crois. T'as réussi à cerner l'endroit justement où il se joue quelque chose entre ton stylo et ta voix sur la manière de chanter en français, qui va faire que tu vas écrire peut-être différemment et que ça va jouer sur ton écriture pour pas tomber dans ce entre guillemets piège de la chanson. Il y a clairement déjà il y a un truc que je prends vraiment de l'anglais, c'est alors c'est vraiment très très terre à terre, hein, mais mettre moins de mots mais mieux. Mais c'est ça, c'est pas la même manière de chanter du tout, quoi. Voilà, et du coup, en fait, moi, il y a plein de fois où des fois j'écris des textes beaucoup trop longs, et après, le jeu, c'est élaguer. Tel mot, ça sonne pas, c'est pas percussif, j'aime bien les... c'est tous ces sons-là qui sont... qui est vraiment avec lesquels... c'est vrai qu'on se retrouve ça beaucoup en anglais, qui est une langue avec... qui module plus... mais de retrouver cette percussion dans le son, enfin dans Poilu, enfin par exemple, tu vois, il y a vraiment, tu vois, je ne veux plus de jambes longues comme des spaghettis. Il y a vraiment des tous ces trucs là qui sont vraiment, je trouve, du pain béni quand tu chantes, parce que tu peux vraiment... C'est infernal à enregistrer aussi, tu fais toutes les pocantes et les sifflantes qui existent. Ah ben après c'est gestion du micro, quoi. Non, mais après, en vrai, il y a une manière de les gérer. Mais c'est moi j'aime vraiment prendre ça en compte aussi quand j'écris, parce que je trouve que l'interprétation, la musicalité, la manière dont on dit les choses peut complètement être, enfin, peut complètement dire autant de choses que beaucoup de mots, si je sais pas si je suis claire, mais en tout cas, ça complète vraiment le message pour moi, quoi. Appuyer oui. un message. Oui, mais c'est vrai que, je sais pas, je pense à Radiohead, par exemple, je pense que si on regardait un texte de Thom Yorke, il doit être très, très, très, très court, même sur un morceau de 4 minutes, parce que finalement, avec 4 mots, il fait plusieurs mesures. Oui, voilà. À la différence de, j'ai peut-être cité Brassens pour faire un gros cliché, mais d'un rapport à la langue, au sens et à la matière verbale qui est complètement presque opposée. Ouais. Mmh. Oui, alors après, voilà, il y a d'autres manières d'écrire qui se valent tout autant. Mais après, moi, c'est vrai que je pense oui, que non, vraiment... Oui, à nouveau, pour, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour effectivement cerner un petit peu cet endroit-là. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'on peut s'amuser plus vocalement avec quand il y a moins de mots, vraiment. Enfin, ça, c'est... En tout cas, moi, je m'amuse plus. Alors, on a eu du mal à caler cette émission, parce que tu as un planning très, très, très chargé, et notamment pas mal de live. J'ai l'impression que tu as fait beaucoup de résidences pour bosser live, j'imagine. Hier, donc, une première partie d'Asguerre au Transborder complet à Lyon. Comment est-ce que commence un petit peu cette tournée de présentation, de faire des figures ? Bah, c'est super. Vraiment, je suis vraiment hyper contente de revenir sur scène avec cet album-là, avec notre config aussi, avec Agnès et Romain, donc avec qui je joue depuis 7-8 ans maintenant, et pas forcément avec les mêmes instruments qu'on utilisait sur Volcan, le dernier album, qu'on a au final très peu tourné parce que ça a un peu coïncidé avec la pandémie. Et là, du coup, d'avoir et cette nouvelle énergie aussi, de nouvelles musiques, de sentir que ça touche les gens aussi, enfin, d'avoir des gens qui viennent à la fin du concert et qui sont vraiment vraiment contents et heureux et en mode c'est trop cool, enfin, ça fait vraiment beaucoup de bien parce que bon, moi j'adore passer 1000 ans dans une pièce enfermée à bidouiller des synthés et tout ça, ou faire de la recherche instrumentale. Vraiment, l'album, c'est quelque chose que j'adore, mais je trouve que si c'est pas accompagné de la joie de pouvoir le partager avec des gens, ça enlève du plaisir en fait aussi. Et là, du coup, c'est vraiment chouette. Ça commence. On était hier, c'était trop chouette. On était vraiment devant un public hyper réceptif, très à l'écoute, et qui, je pense, a compris où on voulait en venir. Parce que des fois, c'est vrai que voilà, on est esthétiquement, vu qu'on est à cheval entre pas mal de choses. Bah là, du coup, oui, c'est vrai qu'en plus, c'était un public qui, je pense, était voilà, plutôt bien en phase avec ce qu'on propose. Mmh. En même temps, sur ce disque, tu n'étais pas toute seule. Il y a bon, déjà le trio dont tu parles, pas mal d'invités dont tu as parlé avant. Il y a aussi un featuring avec Limas, avec qui justement je t'avais vu au PAX en février dernier. Oui. Cette rencontre enregistrement, ça fait quoi du coup ? Parce que c'est un endroit où ton intimité est plus partagée peut-être sur ce morceau. Alors le featuring avec Limas et Clément Soto aussi, qui est guitariste, il est issu d'un défi créatif auquel on a participé tous les trois il y a un an maintenant, qui s'appelle Les 24 heures du mot. Et donc on a composé ce titre à trois en 24 heures. Et un an plus tard, non pardon, en fait c'était il y a 2 ans, mais l'année dernière on a décidé de l'enregistrer et c'était super chouette. En fait, cette rencontre de tous les trois là, on a vraiment, je sais pas, on s'est pas beaucoup parlé de ce qu'on voulait esthétiquement et il y a juste ça qui est sorti et c'est très chouette de faire des rencontres comme ça. J'admire beaucoup Limas, je trouve vraiment que c'est un univers hyper précieux, pareil, d'aborder des questions hyper tranchées, hyper politiques, ben, plutôt liées à la non-binarité, et une manière de le faire qui est très élégante et où la forme aussi a toute sa place. Je suis vraiment hyper fan de cet artiste. Il y a un autre morceau où j'avais envie de te poser une question, c'est Le Seul, qui n'est pas en français, mais qui n'est pas en anglais. Est-ce que c'est du danois ? Est-ce que... Tout à fait. Oui, c'est du danois. Ouais, tu peux en parler un petit peu ? Ouais, Et ben, en fait, il y a deux titres qui sont collés l'un à l'autre, mais qui sont en danois. Ønske, qui veut dire souhait, qui est un poème d'un poète danois qui s'appelle Mikkel Strong, dans lequel ma maman lit le poème. C'est un poème que j'aime beaucoup, qui parle d'un instant de joie un peu figé comme ça dans le moment, très simple, alors qu'il pleut dehors et du coup le poète est collé à la vitre et il voit la ville dehors et il s'amuse avec la brume, enfin comment la buée sur la vitre. Et c'est l'introduction du coup au deuxième morceau qui est pour le coup celui-là écrit par moi, qui s'appelle Glem mig ikke, qui veut dire ne m'oublie pas. C'est un morceau que j'ai écrit pour ma famille qui est au Danemark et qui, pendant l'époque, à l'époque du Covid, que j'ai pas pu voir pendant assez longtemps. Et c'est un morceau qui leur est adressé, et voilà, qui veut dire que je reviens bientôt, ne m'oubliez pas. Pour clore un petit peu ce temps sur l'album, je voulais aussi quand même te faire parler un petit peu du label qui te suit, Le Cri du Charbon. Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Est-ce que c'est le label qui a produit vraiment l'album ou est-ce que tu t'es autoproduit et qu'ils sortent le disque ? Comment vous fonctionnez ensemble ? Alors pour ce disque-là, pour faire des figures, le label a produit le disque entièrement. Contrairement à Volcan où il était autoproduit et puis distribué par Le Cri du Charbon. Là c'est le Cri donc qui l'a produit et par contre c'est quand même très rare que ça arrive donc je le souligne quand même, mais Le Cri du Charbon m'a vraiment laissé toute liberté artistique sur le disque, ce qui est très très rare je pense. J'ai vraiment eu carte blanche et je les en remercie très fort parce que, enfin, pour moi, c'est aussi pour ça que pendant longtemps, la raison pour laquelle j'ai pas spécialement démarché de label, parce que j'avais envie de pouvoir faire la musique que j'aime moi et pas me plier à des demandes arbitraires de durée, de chansons, de fait-ci, potentiellement mercantile. Rajoute de la basse, ça va vraiment sonner super. Enfin voilà, j'avais pas trop ce rapport à la musique avant et je l'ai pas plus maintenant. Et j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé ce label-là qui est à l'écoute de ça. J'avais envie de te faire parler aussi de tes autres projets, du reste de ta vie, en dehors de Tashka. Tu m'as parlé tout à l'heure d'un tout nouveau projet musical. Qu'est-ce qui se trame en coulisses ? Alors, je suis claviériste et choriste dans un groupe pop qui n'a rien à voir avec Tashka, mais qui est très cool aussi, qui s'appelle De La Cour. J'ai d'autres projets en sous-marin, mais qui vraiment sont tellement embryonnaires pour l'instant que du coup, voilà, il y a pas, je vais pas en parler tout de suite parce que, mais en tout cas, j'espère dans les années à venir pouvoir annoncer du nouveau avec des personnes avec qui j'aime beaucoup faire la musique et du coup, ça serait super que ça aboutisse. Mais là, pour l'instant, on est plus au stade récréatif, quoi. Tu me parlais aussi d'un autre projet qui n'était pas musical, mais sur des dispositifs de place des femmes dans la musique notamment. Tu peux développer un petit peu cet aspect-là aussi ? Ouais, je fais partie du collectif Trajectoire qui est basé à Lyon. C'est un collectif qui se bat pour visibiliser la musique portée par des femmes ou des personnes non binaires. Enfin, minorité de genre. Et du coup, c'est une grande association de plein d'artistes et que je trouve trop chouette parce que souvent, on a tendance à être un peu cloisonné dans notre étiquette musicale et à pas forcément se croiser tous dans les concerts. Et là, pour le coup, c'est un collectif qui permet à tous les artistes du collectif de se croiser, quelles que soient les étiquettes, et en fait, à mutualiser les ressources, à créer des événements ensemble aussi pour donner plus de visibilité à la musique qu'on porte. Vraiment une idée qui va un peu à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui. Enfin, là, c'est plutôt d'entraide, de se donner de la force entre nous, quoi. Mais parce que effectivement, le fait de rassembler énormément de modes d'organisation différentes, parce que les milieux électro, rock, chanson fonctionnent pas de la même manière non plus. Le fait de choisir de fonctionner autour de ces identités, t'as l'impression que ça suffit à ce qu'il y ait plein de points où vous êtes raccord ? Bah, en fait, que on soit, enfin, en tant qu'artiste, donc femme ou de minorité de genre, on se retrouve quand même souvent à des problématiques similaires, qui sont les mêmes, ouais. Qui peuvent aller de la posture sur un plateau de scène, la façon dont on s'adresse à nous, la façon dont on part du principe qu'on sait ou on ne sait pas faire des choses. Ça, c'est quelque chose de très, de la part soit d'une équipe technique, soit de la part de personnes du milieu de la musique. Le fait de ne pas forcément être programmé parce qu'on n'est pas dans les petits papiers de... vraiment, il y a vraiment beaucoup d'expériences sur lesquelles c'est très facile de se reconnaître. Ouais, donc ouais. Trajectoire, c'est plus un dispositif d'échange, pas tant comme il existe maintenant des collectifs un peu en mixité choisis qui proposent aussi des esthétiques qui se mettent ensemble pour se renforcer un petit peu, justement être plus visible, notamment dans l'électro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de DJ qui se mettent ensemble pour essayer de passer ce cap de les programmateurs, et là je ne mets pas d'inclusif, en ont rien à foutre, donc on va essayer de montrer qu'on existe de manière plus collective pour être plus visible. Là, c'est plus un échange sur vos pratiques, finalement. C'est un échange sur nos pratiques, et c'est aussi créer un canal de diffusion, entre autres, via les réseaux sociaux, où on est tous bénévoles dans tous les aspects. Donc, par exemple, dans la com, moi, je fais partie de ce pôle-là. Donc, ça veut dire mettre en avant des canaux de diffusion où on annonce toutes les dates qu'on a. Ça veut dire aussi annoncer les sorties de tout le monde. Enfin, ça peut aussi... Là, par exemple, ce week-end-là, à l'Épicerie Moderne à Faisin, on a organisé une soirée qui s'appelle Eclipse, en partenariat avec le collectif Les Canutes. On avait reçu, vous avez pu entendre, auditeurice, dans cette même émission il y a un mois ou deux, je crois. Ouais. Et où il y avait une partie de la journée qui était dédiée à des conférences, par exemple, par des professionnels de la musique, femmes ou de minorités, qui venaient parler de sujets qui vont aussi bien d'affirmer son identité artistique dans le milieu de la musique que programmateurice, bookereuse, quels obstacles. Et le soir, il y avait des concerts super et tout. Donc, ça permet en fait aussi de créer des endroits où on peut se rencontrer et échanger. Et c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Enfin, moi, à chaque fois que je me retrouve dans des milieux en mixité choisie, c'est une ressource humaine pour moi, d'énergie aussi, parce que on se rend compte que on n'est pas toute seule, quoi. Enfin, c'est pas moi. C'est pas que moi. Voilà. C'est pas que moi. Je te propose de faire une nouvelle illustration de ton album, et qui est un peu en lien. C'est le dernier morceau du disque. Il s'appelle Horde. Tu peux le présenter aux auditeurices, justement. Ouais. Horde, c'est un morceau qui a été inspiré par un autre groupe militant dont je faisais partie avant à Lyon, qui s'appelle Les Femmes Battantes. C'est un groupe de percussionnistes de rue qui va souvent jouer en manif pour le 8 mars ou le 25 novembre, entre autres. Mais pas que. Quand même. Mais bon, c'est un peu les moments où on jouait le plus. Je dis jouais parce que j'ai déménagé et que je peux plus y aller maintenant. Mais c'est un groupe de percussionnistes militants qui m'a donné une force incroyable et puis très décomplexé aussi vis-à-vis de la musique. Plein de personnes qui étaient dans ce groupe et qui n'avaient pas spécialement de longue histoire avec la musique, et on est juste là pour taper sur des sauts ensemble et s'amuser et vraiment jouer, quoi, et vraiment retrouver de la joie dans le jeu, aller dehors dans les cortèges, chauffer les foules, et c'était vraiment, quand j'ai écrit les paroles de Horde, j'ai vraiment pensé très fort aux femmes battantes. Mais on écoute ça et on se retrouve après pour un titre live et puis des propositions clin d'œil musicales choisies par Tashka. écrit à son équipe, font piètre domestique, un roseau plié, douce de plein fouet. Elles veulent pas, dissiper des ça. Les esprits libres ne marchent pas au pas. Dehors, elles saquent les lois. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. 89.5 Radio Dio est plus fort, j'entends rien, consacré et ayant le plaisir d'accueillir Tashka, qui maintenant va nous gratifier d'un morceau live en guitare-voix, histoire de montrer qu'elle sait aussi faire du guitare-voix malgré tout ce qu'on vient de discuter pendant l'émission. Quel titre tu as choisi ? Je vais jouer Neige. Il neige sur ta ville en une nuit, tout s'est assoupi. Le grand drap blanc couvre nos têtes, noie nos yeux sous les paupières. La rue tremble, les mains diffèrent. Ne me réveille pas, laisse la sonnette hors d'état. J'ai rompu ces fils des années de ça. Les fleurs de givre jonchent le matin froid. L'ambulance qui hurle dans la rue n'enlève rien à ta grâce. Tu m'enveloppes de toi et me porte un peu plus loin. J'entends rien sur Radio Dio, consacré donc à faire des figures. L'album de Tashka dont est extrait ce Neige, que par ailleurs vous entendez déjà en rotation sur le 895 de Dio. Un peu d'autopromo, tu vois, tu m'excuseras. Et ouais, on va finir cette émission avec une mini carte blanche que je t'ai proposée. Je t'ai proposé de choisir 2-3 morceaux qui pouvait faire écho à tes oreilles et que tu aurais envie de partager avec les auditeuristes de Dio pour donner... Enfin, en même temps, je n'avais pas vraiment donné de consignes plus que ça. Et, toi, tu as choisi un angle un peu précis quand même, tu aurais pu partir un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir les 3 titres que tu vas nous proposer maintenant ? J'ai choisi ces morceaux parce que, vu que je venais pour parler de faire des figures, je me suis dit, qu'est-ce que j'écoutais un peu au moment où j'écrivais les arrangements. Et ces 3 morceaux qui sont assez différents, mais qui ont tous les trois une vraie grande source d'inspiration, tous les trois une grande source d'inspiration pour moi. Voilà. On commence par Grand Blanc, tu présentes vite fait. Ouais. Alors, sauf celui-là, du coup. Je me contredis aussitôt. Mais c'est de ma faute, hein, c'était pas briefé. En fait, je dis ça parce que celui-là, je l'ai découvert. J'ai découvert cet album qui s'appelle Allô de Grand Blanc, qui est le dernier qu'ils ont sorti il y a quelques mois à peine. Donc, je l'écoutais pas du tout en à l'époque. Temps, il est sorti il y a pas si longtemps, je crois. Hein. Ouais, non. Mais en fait, j'ai découvert cet album sur scène à l'Épicerie Moderne. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait. J'ai beaucoup suivi Grand Blanc avant sur le côté plus électro. Et là, en fait, ils reviennent avec une proposition qui est complètement un peu décalée par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Où c'est très électro et très, très minimaliste aussi, très, très, très acoustique. Et ça me semblait être pas mal en résonance avec cet album-là. On écoute Orange. Comment tu veux que je me mette, c'est compliqué. âge, on ne veut toujours pas devenir vieux. On est du orange, ça crève les yeux. Couleur vive. Couleur vive. Un peu plus longtemps. Thank you. 89.5 Radio-Dio. Et une deuxième proposition enchaînée après Grand Blanc, c'est cette fois La Chica que tu as choisi pour les auditeurs de Dio. Oui, La Chica, c'est Sophie Gouvernec, je crois, si je ne me trompe pas, qui donc, porte ce projet-là, qui est tout en espagnol. Voilà. Je ne parle pas un mot d'espagnol, mais j'adore vraiment La Chica. C'est marrant parce que du coup, le fait de ne pas comprendre les paroles ne m'empêche pas du tout d'aimer très fort la musique. Et je pense que je l'ai beaucoup écoutée aussi. J'aime beaucoup tous les petits détails dans la musique. Des fois, il y a des toutes petites lignes de piano qui sont là juste à un endroit. Enfin, plein de petits détails sonores, un peu brutistes des fois aussi, que j'aime beaucoup. Et aussi le côté électro, assumé avec un gros groove et des fois aussi vraiment quelque chose de beaucoup plus minimaliste. Elle n'a aucun problème à naviguer entre les deux. Un peu hip-hop même. Hip-hop, ouais, mais c'est vraiment... J'adore cet artiste. Moi, ça m'a évoqué autre chose, parce que notamment La Chica prend beaucoup la parole dans un film dont vous a pas mal parlé sur Dio, qui s'appelle La Cantatrice Chaume, et qui est justement sur ces histoires de représentation des femmes et minorisées dans le monde de la musique. Et il y a quelque temps, j'avais reçu une musicienne qui, quand on parlait un petit peu d'où venaient ses influences, s'était rendu compte qu'il n'y avait pas tant de femmes, mais beaucoup d'hommes dans ce qui avait construit sa musique et son rapport à la musique. Et toi, tu as choisi deux figures féminines assez fortes sur les trois titres que tu voulais proposer. Moi, j'écoute globalement quasi que des femmes, en fait. Et c'est pas forcément par militantisme, enfin pas que, mais il y a vraiment... Moi, ça fait depuis que je suis ado, en fait, j'écoute quand même principalement des femmes. Je m'en suis rendu compte à un moment, il y a quelques années, il y a 2 ans, on a fait une interview... sur le sujet justement avec une journaliste et je me suis rendu compte vraiment que pour le coup, moi beaucoup de ma musique a été inspirée par des femmes. Quelque chose de l'ordre de la sensibilité dans laquelle tu te retrouves du coup ou... Déjà j'adore chanter et je pense que vocalement il y a un truc d'attraction aux voix quoi, enfin voilà j'ai beaucoup écouté des chanteuses qui s'amusaient beaucoup avec leur voix, faisaient vraiment mais vraiment en mode jouer, genre je fais n'importe quoi et ça sonne et c'est rigolo, enfin comme Regina Spektor ou Fiona Apple, enfin à l'époque c'est vraiment mes premiers amours on va dire. Mais je sais pas trop pourquoi. J'ai aussi écouté des hommes à une époque, mais là c'est vrai que ces derniers temps je crois vraiment c'est plus je sais pas. Il y a un truc de ouais peut-être de sensibilité, de musique, de je saurais pas trop dire pourquoi. On enchaîne sans plus de pourquoi avec la troisième proposition. Tu as choisi The Do. T'en dis pas plus. Si. Alors, on vous prévient, c'est un long morceau. C'est un long morceau. C'est un long morceau et c'est un live. Et j'ai choisi le live exprès parce que je le trouve 1000 fois mieux que la version album. C'est un morceau qui a une énergie de dingue, un groove de dingue. Et c'est trop un morceau à écouter très fort chez soi ou à fond dans sa voiture. Ça dépend où on l'entend. Mais vraiment, pour moi, ça, c'est le lâcher prise. Et je trouve ça très, très beau. Eh bien, ce sera la dernière proposition de Tashka, 7 minutes 32 de Doux, tout de suite, sur le 895 de Dio. Thank you. 8, 9, 5, Radio Dio. Et on vient de passer 1h20 en compagnie de Tashka. Merci à toi, Natacha, d'avoir pris ce temps. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était avec plaisir. Donc, je vous rappelle cet album, Faire des figures, sorti sur Le Cri du Charbon. Et des lives à suivre. Est-ce que tu as des annonces sur tes prochaines dates? Alors, je dirais juste de suivre sur les réseaux sociaux pour l'instant, parce que nos prochaines dates sont en avril 2024, où on va jouer, je crois, au château de Goutla, ouais, et au fort de Bruissin aussi. Je crois que c'est autour du 24-25 avril, quelque chose comme ça. Et puis après, mais il y aura peut-être des dates qui seront annoncées, ouais, à la rentrée. Sur Instagram, du coup. Et... sur Instagram et Facebook, et puis sur le site du Cri du Charbon aussi. Ça marche, très bien. Merci encore d'être venu. Et je vais finir par une proposition musicale qui est un des deux coups de cœur de la Ferrarock cette semaine. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais je vous renvoie à l'émission Dig Dig Diggers, l'émission mutualisée entre nos radios qui sera diffusée ce vendredi à midi, rediff 19h et lundi à 8h. Il y a Milk TV, un groupe que vous aurez le plaisir d'entendre vendredi. Vous entendrez aussi un module de présentation du Festival des Trans Musicales que j'aurai le plaisir d'aller couvrir la semaine prochaine. Il y aura des diffusions fleuves sur Dio, jeudi après-midi de 15h à 19h et vendredi de 15h à 17h et le reste du temps jusqu'à samedi on écoute sur le site de la Ferrarock, 4 heures de direct en duplex dans plein d'endroits de la ville, ça va être je pense assez chouette à écouter. Et le troisième coup de cœur de la Ferra, c'est Zero Gravity, un disque d'électro sorti chez Jarring Effects et qui Zero Gravity qui n'est autre qu'un nouveau projet du leader entre guillemets du groupe Ezekiel, Johan Guillon, dans une veine beaucoup plus électro-ambiante, assez froide et pas mal du tout. L'album s'appelle Une très légère oscillation. Il sort ce 10 novembre 2023 et c'est sur ces notes que nous allons arrêter. Plus fort, j'entends rien. Je vous souhaite une excellente continuation. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. Ça commence doucement. Thank you.